Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2015 et nous fêtons les Justine. Le malin pensera de suite, oui d'accord, juste une petite goutte. Mais je peux vous assurer que la Justine que je connais, non pas la fille du cousin de mon père, non l'autre, elle ne prend pas qu'une petite goutte, en tout cas pas samedi dernier vu les snaps qu'elle m'a envoyés. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Marie-Laure. Bref, le 12 mars 1613 a changé la face du monde car c'est ce jour-là que, à Paris, a vu le jour le célèbre jardinier Lenôtre, permettant ainsi à de nombreux pères de famille de vouloir la mort de leur petite fille. Alors, que se serait-il passé si Lenôtre n'était pas né ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Sans Lenôtre, pas de Vaux-le-Vicomte. Sans Vaux-le-Vicomte, pas de jardin à Versailles. Pas de Versailles, pas de Mickey dessiné dans les jardins. Pas de Mickey, pas de succès pour Walt Disney. Pas de Disney, pas de Reine des Glaces. Et impossible donc pour moi de vous mettre en tête pour toute la journée. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. C'est QFD. Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique. Que se serait-il passé un 13 mars ?